la mort, nous serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, ça me doux. À nous de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Et tu mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple. Ressuscité. Mais au sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement un chemin. Si tu ne veux accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous te Cantique 226. Dans le chant de victoire, c'est ça? Amen. Cantique numéro 226, vous tous qui nous écoutez de l'extérieur. Papa santé. Bonsoir le frère Bégénique de l'Allemagne. Bonsoir. Le frère Bégénique. Bégénique, toi tu nous entends? Le frère Stéphane de Lyon, bonsoir. Bonsoir, chers frères, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, que Dieu soit bonsoir, bonsoir, mes frères. Bonsoir. La soeur Stéphanie de, Stéphanie de Camille au Canada, bonsoir. Bonsoir, la famille. Bonsoir, bonsoir bien-aimé. Le couple Trabi du côté de Belgique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. La soeur Carole du Canada, Carole Gaha, bonsoir. Je suis content de te voir. Quand je vois ton visage reluisant comme ça, je suis content. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir. Canada, Canada, bientôt votre tour. Canada, Canada, bientôt votre tour. Amen. Canada, Canada, bientôt votre tour. Amen. Allô, frère Junior. Hé, hey, attends d'abord, salut d'abord les autres, pardon, attends d'abord. La sœur Louise Ngo, Nunga du côté de Madrid, en Espagne. C'est la première fois qu'on voit ton visage. Bonsoir. Ça veut dire que... Oui. Amen. Donc tu es vraiment maintenant une sœur Android en Europe, vraiment Android. La sœur reine de Bruxelles, on ne voit pas ta vidéo, tu n'as pas mis ta vidéo, c'est vrai que tu ne connais pas. La sœur reine de Bruxelles, bonsoir. Bonsoir, frère Junior.

jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, là sera Dieu. À travers la nuit, Jésus me montre les yeux. Non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, sont-ils inconnus. De près, ils m'entourent, plus près est Jésus. Qui dans le toujours avec toi. Non, non, non, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, non, non, non, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Amen. Cantique numéro 181, chant de victoire. Cantique numéro 181, chant de victoire. Le titre c'est « J'entends ta douce voix ». J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. J'entends ta douce voix qui me pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. 182. Cantique numéro 182, chant de victoire. Enfin, Jésus a triomphé. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour tous qui nous écoutent. La Saint à c'est tout Aïdara. Le frère Bamba Iba, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La Saint Yankam Christiane de Belgique, que Dieu vous bénisse. Le frère Cyril et Madame Cyril, que Dieu vous bénisse en Allemagne. Que Dieu vous bénisse pour tout le monde. Ma soeur bien-aimée, Dieu bénisse, Dieu bénisse mon frère Jacques. Amen. Mon frère bien-aimé, c'est le frère du Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Tenons ferme. Même quand vous chantez des cantiques, il y a des larmes, on comprend effectivement qu'il y a les souffrances sur cette terre-ci. La chaleur. Le froid nous dit clairement que nous ne sommes pas là pour demeurer ici. Amen. D'accord, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous savez encore chanter ce cantique là en son temps. Vous savez chanter ça hein? Après, il y a un cantique que tu as chanté au deuil du frère Achille en Consamba. Je ne sais pas comment tu vas chanter ça. Le numéro 305. Chantons ça, puis on chante. Parce que quand j'étais en Europe, c'est toujours ça qu'ils chantaient. Pensez à toi et ça. Chantez. Le cantique combien? 305. 305. Chantons cela. Cantique, c'est toujours dans les chants des victoires, toujours. Je ne sais pas pourquoi j'étais en Europe, c'est toujours ça qu'ils chantaient dans mes pensées. Il dit, oh le frère Eric. Mm-hmm. 305. Il croit qu'il va corriger. Tu connais ça, n'est-ce pas? Cantique numéro 305, vous êtes là? 65. Amen. Amen. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil. Il vient me faire connaître son amour sans pareil. Un rayon, un rayon. Vous qui êtes dans le monde entier, vous avez ces cantiques devant vous, vous comprenez les paroles de ces cantiques. Puisse le Seigneur envoyer ces rayons-là dans notre âme, dans notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le frère Guy Yannick d'Allemagne, bonne arrivée.